Le groupe de visite dont la patrie est des étudiants de l'université coréenne de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, arrivé le 29 juin à Pyongyang par avion, sous la conduite du doyen adjoint Ha Chang-gu, a déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu, avant de rendre hommage.